pleine nuit, tu vois comme en plein jour. Si tu sais faire le tri dans les faux culs qui t'entourent. Si t'arrêtes de te mentir, si t'évites les détours. Si tu te conduis en homme quand y'a personne autour, personne autour. Bref, si tu t'aimes vraiment la peine, si tu t'ouvres pas les veines avant d'avoir franchi le mur. Bref, si tu sens que t'as le contrôle, sauf quand elle pose sa tête sur ton épaule. Bref. Si tu trouves en toi ce que tout le monde cherche ailleurs. Tu sais faire la différence entre la justice des hommes et celle du créateur. Si tu laisses personne à la peine, si t'es pas trop pressé. Si tu sens que t'as la haine, mais que tu choisis d'aimer. Bref, si tu t'aimes vraiment la peine, et si tu t'ouvres pas les veines avant d'avoir franchi le mur. Bref, si tu sens que t'as le contrôle, sauf quand elle pose sa tête sur ton épaule. Si tu préfères l'odeur de son corps au parfum trop sucré. Si t'as perdu le nord, mais que t'es pas pressé de rentrer. Bref, si tu t'aimes vraiment la peine, si tu t'ouvres pas les veines avant d'avoir franchi le mur. Bref, si tu sens que t'as le contrôle, sauf quand elle pose sa tête sur ton épaule. Bref, si tu donnes vraiment la peine, et si tu t'ouvres pas les veines avant d'avoir franchi le mur.